Le Castel du Diable par Ponson du Terrail. Chapitre 1er. Quel dommage, monsieur le comte, de voyager ainsi depuis 15 jours au milieu d'un si beau pays de chasse, sans avoir pu seulement découpler et faire le bois une fois. Mon vieux bouquin, la guerre a des exigences impérieuses. Quand nous aurons battu les impériaux assez vertement pour leur dicter un traité de paix, nous demanderons un congé et nous reviendrons à Pouzauges, où le cerf et le sanglier abondent assez dans nos environs pour tenir nos équipages en haleine toute l'année. « Ceci est fort bien dit et bien pensé, monsieur le comte, » répondit Bouquin d'un ton grondeur, « mais ce n'était vraiment pas la peine de faire faire à vos chiens 800 lieues pour les traîner jour et nuit couplés et la queue basse à la suite d'un fourgon de campagne. Depuis mon arrivée, nous n'avons fait que cela. À chaque instant, nous entrons sous le couvert, nous traversons un taillis, nous débouchons dans une plaine de 10 lieues où la bête serait en vue tout le temps. Partout, nous apercevons ici une défense de ragots, là un bois de dicots, plus loin une queue de bouquetin. Les chiens hurlent, ma trompe danse toute seule sur mon épaule, j'ai des fanfares et des lancers et des bien-allés et des halalis dans les oreilles. Rien. Nous continuons à marcher à la tête de ces dragons stupides qui haussent les épaules, les ignorants et les profanes, à la vue de nos meilleurs chiens de Vendée et de nos plus beaux séries de Saint-Onge. » Et Bouquin, qui nos lecteurs l'ont deviné, était un vieux piqueur plein de feu et de courage synergétique, malgré ses 60 hivers évolus depuis la dernière fête du grand salut Hubert. Bouquin, s'étira d'éviter sur un tour de mauvaise humeur, rentra dans son majestueux silence et jeta un regard pétri d'un dédain suprême à la compagnie de dragons qui chevauchait derrière son chef, le comte de Mainhardi, capitaine de dragons et commandant une arrière-garde de cavalerie qui s'en allait rejoindre, à travers les steppes et les forêts immenses de la Bohême, un corps d'armée française sous les ordres du maréchal de Belle-Île, lequel était campé devant Prague. Le comte était un jeune homme de 28 à 30 ans, beau garçon, léger, brave jusqu'à la témérité, aventureux jusqu'à la folie, et doué au degré suprême de cette noble passion de la chasse, qui déjà, bien qu'on ne fût alors qu'en 1750, commençait à s'éteindre chez beaucoup de gentilshommes, admirablement situés cependant, mais que la guerre, et le plus souvent encore les intrigues de cour, éloignaient presque toute l'année de leur terre. Le comte chassait régulièrement tous les jours pendant les 6 mois de congé annuel qu'il demandait au roi, et durant les 6 autres, il trouvait le moyen encore de courir 1 ou 2 fois par semaine, soit à Saint-Germain et à Compiègne, aux grandes chasses de sa majesté, soit à Chantilly, chez le prince de Condé, ou à Sceaux, chez monsieur le duc. Il y avait 3 mois qu'un ordre du roi lui était arrivé au milieu d'un grand laissé-cour de gentilshommes du bocage, et cet ordre était de rejoindre son régiment, faisant partie d'un corps d'armée qui opérait en Bohême, de concert avec la Prusse, contre l'Autriche et la Russe réunies. En vrai gentilhomme qu'il était, le comte avait mis bas sur le champ sa veste de chasse pour endosser son uniforme, remplacer son couteau par son épée, et accroché au-dessus de la cheminée de son salon, son corps et son esturgeon, les condamnant, non sans regret, à un repos dont il ne pouvait prévoir le terme. « Bouquin, » avait-il dit en mettant le pied à l'étrier, à son vieux piqueur qui, l'oreille basse et l'œil morne, se demandait combien de temps le bocage allait demeurer silencieux et veuf, des magnifiques voix de basse, de ses grands chiens blancs et feux brûlés. « Bouquin, mon ami, il est possible que je ne revienne pas avant 1 an. » Mais il est possible aussi que je saute de retour dans 1 mois. Tu prendras un soin scrupuleux de mes équipages, tu découpleras dans le bois de Jarry tous les dimanches et dans les tailles de Pouzauges tous les mercredis, tu tirailleras avec mes bassels et la pro du parc de Bienvenue, et tu auras bien soin de ne jamais forcer le dicor. En outre, je te recommande, sur la santé de tes 2 oreilles, que mon couteau de chasse doit respecter à tout prix, de ne permettre à mes voisins que de rares campagnes sur mes terres. Je ne veux pas qu'on dépeuple. » Et ces recommandations faites, le comte était parti pour son régiment. Il était arrivé la veille d'une bataille et l'avant-veille d'un siège. Puis, la bataille gagnée et la ville assiégée prise d'assaut, il avait été laissé en garnison dans un petit village frontière de la Prusse orientale, village sans importance par lui-même, mais dont l'ennemi aurait pu, s'en emparant, tirer un excellent parti. Le maréchal de Belle-Île lui en avait confié la défense et était reparti pour mettre le siège devant Prague. Pendant 8 jours, le comte de Mainhardi se tint sur ses gardes, faisant observer à ses soldats une discipline sévère, les consignant et s'attendant d'un moment à l'autre à être attaqué par un corps d'infanterie impériale qui tenait la campagne à 10 lieues de là. Mais sur un ordre supérieur, le corps s'éloigna de 10 lieues encore, et alors une idée poussa tout à coup dans le cerveau du comte. « Si je chassais, » pensa-t-il. Le village et le pays environnant étaient admirablement situés. Bois touffus, jeunes taillis, vallons sonores, plaines caillouteuses et unies, étangs nombreux, mares et ruisseaux où les chiens pouvaient boire, rien ne manquait. Les bêtes abondaient. Les chevreuils et les biches étaient le simple fretin, car outre le cerf et le sanglier, il y avait encore du loup, de l'élan et de l'ours à foison. Ce luxe de gibier provenait de deux causes, d'abord la position excellente du pays, ensuite l'absence totale de veneurs dans les environs. Cet avantage avait son inconvénient, par cette raison toute simple que chaque médaille possède son revers. L'absence complète de veneurs impliquait naturellement la disette totale de chiens. Sans meute, comment chasser? Le comte était en veine d'idées. Il en avait trouvé une première, il pouvait fort bien en trouver une seconde. Aussi la trouva-t-il. « Si je faisais venir mes chiens, » se dit-il, « la trotte est longue, mais on peut la faire, avec quelques marches forcées en 18 jours. Il peut fort bien arriver que je passe l'hiver ici, et dans ce cas, le service du roi me sera facile. Si, au contraire, je change de garnison, je jouerai de malheur si je ne tombe pas sur un pays de chasse. En Bohême, on chasse partout. » Là-dessus, M. de Mainhardi appela son valet de chambre et lui dicta la lettre suivante. « Mon cher bouquin, au reçu de ma lettre, tu te procureras une carriole grande comme une rue. Tu y feras monter 15 de mes meilleurs chiens de Vendée et 25 de mes plus grands chiens séries, puis mon balai de chien le taillis, et tu l'attelleras de 2 bons chevaux limousins. Après quoi, tu t'installeras toi-même sur le siège avec mon balai de chambre qui te porte cette lettre, et tu prendras la route d'Allemagne. Quand tes chevaux seront là, tu les renouvelleras. Si mon intendant manque d'argent, vend tout de suite 100 hectares de terre. Pourvu que les bois nous restent, c'est tout ce qu'il faut. Apporte-moi ma trompe et mon couteau de chasse. » Cette lettre écrite, et le valet de chambre parti à Franquetrier, le comte s'était dit « En attendant bouquin, je me procurerai un chien d'arrêt, et je secourrai les lièvres et les compagnies de perdreaux qui m'avoisinent. » Il avait commencé dès le lendemain. Malgré tous ses efforts, il n'avait pu trouver de chien d'arrêt. Mais il l'avait supplié par un énorme matin de troupeau, ayant un nez et un jarret d'enfer, tenace, intelligent, poursuivant et pointant. Dès le premier jour, le matin lui fit tuer un lièvre au gîte. Le soir, il donna 3 coups de voix dans un fourré. Le comte crut un second lièvre et vit débucher un daim auquel il campa une balle qui le tua raide. Le lendemain, le matin relança un élan qui eut le même sort. Le comte prit goût à ce genre de chasse et pensa que lorsque sa meute serait arrivée, il deviendrait l'officier le plus heureux de France et d'Allemagne. La meute arriva enfin. Bouquin, transporté d'aise, avait fait une diligence incroyable et laissé sur sa route la valeur représentative du château de Bienvenue en chevaux crevés. Mais hélas, heure et malheur se suivent d'ordinaire. Bouquin était arrivé le soir, et dès le matin suivant, le comte avait le pied à l'étrier pour chasser, lorsqu'une estafette du maréchal de Belle-Île arriva avec un ordre ainsi conçu, au reçu du pli suivant, montait à cheval et accourait à marche forcée, service du roi. « Bouquin, » dit tristement le comte, « couple les chiens et passe à l'ambulance, nous chasserons un autre jour. » Puis se tourna vers son lieutenant qui devait chasser avec lui. « Faites sonner le bout de selle pour la compagnie et à cheval. » Ce qui fit qu'au lieu de chasser, le comte partit avec ses hommes et marcha 15 jours traînant à sa suite Bouquin et sa meute. C'était à la fin de la 15e journée que Maître Bouquin se hasarda à entamer avec son maître le dialogue par lequel nous venons de commencer notre récit. Le comte eut un mouvement de mauvaise humeur en écoutant Bouquin, dont l'abrupte éloquence réveillait si bien tous ses appétits de veneur émérite. Mais comme, avant d'être veneur, il était gentilhomme et loyal serviteur du roi, il étouffa ses instincts égoïstes et s'efforça de prendre une physionomie insouciante. Aussi ne répondit-il point à Bouquin, se contenta de jeter un « philosophique » que la brise emporta, mais que Bouquin surprit au passage et qui lui arracha la réflexion mentale suivante. « Les veneurs s'en vont, où allons-nous ? » 4 heures après, le comte et ses hommes arrivaient au camp du maréchal. M. de Belle-Île attendait le comte avec impatience. « Enfin ! » dit-il en le voyant. Le comte ne commandait qu'une faible troupe. Ces hommes ne pouvaient donc être qu'un secours très mince en cas d'assaut pour le lendemain. Et il fut étonné du soupir de soulagement qui échappa au maréchal lorsqu'il entra dans sa tente. « Monsieur le comte, lui dit le maréchal après avoir envoyé ses aides de camp et s'être assuré qu'ils étaient parfaitement seuls, je vous sais aussi brave que Bayard est le plus aventureux gentilhomme de France. Votre seigneurie est trop bonne. J'ai à vous proposer une mission presque impossible. Vous y jouez votre vie, et je la regarde moi comme à peu près perdue. Diable, fit le comte en souriant. Il s'agit de passer sur le corps, vous tout seul, de 30 000 Russes, de 200 000 Autrichiens, et de porter des lettres du roi de France au sultan. Donnez-moi les lettres, dit simplement le comte. Je vous préviens que vous courez 1000 dangers, dont le moindre est d'avoir la tête coupée. Monseigneur, fit M. de Mahardy avec un sang-froid superbe, si vous ajoutez un mot, tout éreinté que je suis et affamé comme Hugolin, il faudra, pour mon honneur, que je me dispense de secouer la poussière de mes bottes et que je remonte à cheval sans avaler une seule bouchée. Le maréchal sourit d'un sourire qui valait un éloge du roi. Ces lettres sont-elles fort importantes? Demanda le comte. Tellement, répondit le maréchal, que si vous n'arrivez pas, nous y perdrons une ou deux provinces. Alors il faut que j'arrive à tout prix. J'arriverai. En êtes-vous sûr? Je le crois. Vous allez me signer un congé d'un mois. Pourquoi faire? Attendez. Ensuite, mettre à ma disposition 3 prisonniers autrichiens qui porteront 3 lettres, l'une à Goritz, l'autre aux environs de Vienne, la troisième à Pest, en Hongrie. La première est pour le baron de Hollingen, colonel de la garnison de Goritz. La seconde pour le comte de Hohenbrunn, courtisan en grande faveur à la cour de Vienne. La troisième pour le ban Rodstock, comte hongrois. Je les ai connus tous 3 à Paris et j'en ai emmené 2 en Vendée, chez moi, où ils ont chassé tout un automne. Ce sont 3 bonheurs émérites, passionnés, et qui iraient prendre un lièvre sur un clocher si la chose était nécessaire. « Où voulez-vous en venir ? » demanda le maréchal. « À ceci. Vous me donnez un congé ? J'en profite pour aller chasser chez ces messieurs. Arrivé à Pest, je n'ai plus que 50 lieues à faire pour toucher aux possessions ottomanes. Je les ferai, soyez tranquille. Sur ma route, personne ne m'arrêtera. Je me rends en chasseur chez un officier supérieur de l'armée impériale. Je suis seul avec mon piqueur et mon valet de chien. Je n'inspire aucune défiance. Ainsi, dit le maréchal stupéfait, vous irez à Constantinople. En chasseur, monsieur le maréchal. C'est prodigieux, fit M. de Belle-Île. Reste à vous procurer sur le champ chien et piqueur. J'ai tout cela, monsieur le maréchal. Et d'où l'avez-vous tiré? De mon château de Vendée. J'ai fait venir mon piqueur et ma meute. Le maréchal demeura stupéfait. Monsieur de Mardy se contenta de sourire avec l'orgueilleuse modestie de l'homme supérieur qui trouve l'admiration qu'il excite toute naturelle, puis il demanda quelle était l'heure du départ. « Demain matin, » répondit le maréchal. Le comte retourna son congé à la main auprès de Bouquin et lui dit « Nous chassons demain. Prends la route de Goritz sur le champ et va me détourner un cerf à 10 lieues d'ici. Un Autrichien que l'on délivre tout exprès pour la circonstance te servira de guide. » Bouquin faillit mourir de joie. Le comte écrivit alors la circulaire suivante à ses 3 anciens amis, ne changeant à chaque exemplaire que le titre du destinataire et l'adresse. « Mon cher, le roi de France, daignant prendre en considération que je me suis privé de chasser depuis 3 mois, uniquement pour son service, daigne m'accorder un mois de congé. Je ne suis donc plus capitaine de dragons, mais un simple disciple de Saint-Hubert qui vous demande à cor et à cri un sauf-conduit pour arriver jusqu'à vous et court en paix vos sangliers et vos élans jusqu'à ce que son congé expire. À vous, comte de Mahardy. P.S. Je me mets en route sur le champ, j'espère rencontrer votre sauf-conduit à mi-chemin. »